Page 107. Activité 5. Piste 98. Regarde. Elle a les yeux verts et le nez orange. Et elle a les cheveux violets.